Mon chéri, embrasse ton père, embrasse-moi, mon cœur se lasse, enlace-moi une dernière fois, et là celui que tu aimes part comme d'hab. Quelle ironie du sort, je sors par la petite porte, mon petit porte ce mot d'amour à ta mère. 24 heures à vivre, c'est court, merde, c'est que je veux que tu te rappelles ces matins où on matait Aladdin sur le sofa tous les deux. J'ai voulu pour toi ce que j'ai pas eu, sans parler de luxe, le minimum, je sais pas, j'ai à peine vu ta sœur, c'est pas juste. En fait... Tu leur diras que pas est parti au ciel trop tôt, je te laisse que ça, c'est 2-3 disques et quelques photos. Moi, je veux pas que tu penses qu'il m'a jamais dit je t'aime, je te le dis à chaque mot de ce poème pour que tu te souviennes. Si je pouvais, je t'écrirais des lettres pour que tu comprennes chaque jour combien t'aimais papa comme si j'étais là. Bébé, ferme la porte après ma dernière voix. À ce moment précis, ma vie est déjà derrière moi. Mais qui veut me nettoyer du terrain? C'est la seule raison qui m'aide à me lever le matin. Mon but, prendre le butin, faire bouger les putains. Plus que 24 heures à vivre, tant avant j'en putain. Faut que je meurs sur une scène sûrement. Situation extrême, je t'embrasse, man. Garde le sourire aux lèvres. J'ai un froissement au cœur, mais faut que j'y aille. Sur moi, on porte des jugements sans remords. C'est juré maintenant, je représente jusqu'à ma mort. Dédié pour FF à l'instant même. Cette sensation unique me gêne, mais je vous aime tout le temps que vous êtes. Sans mon quartier en tête, j'en serais pas là. Alors je la ferme pas, je les vente. Même s'ils sont pas là, plus rien à faire, bisous. Il nous reste 24 heures à vivre, rien à foutre. Personne peut nous priver, tu vas nous suivre si tu veux y arriver. Nos rêves, c'est ce qu'il nous reste à faire. Puis-je frère, puis-je faire d'autres gains? Il nous reste 24 heures à vivre, rien à foutre. Personne peut nous priver, tu vas nous suivre si tu veux y arriver. Nos rêves, c'est ce qu'il nous reste à faire. Puis-je frère, puis-je faire d'autres? Né le 7-2, pour ce qui me reste, je reste un envieux. Matricule free, pas beaucoup de temps, ça urge. J-1, première chose qui me passe par la tête, braquer une banque. L'instinct de dernière minute, trop un rêve d'enfant qui se réalise. Partir sans valise avec mes potes, yod, défiler de cash avec des spots. Hala, cuit, tant qu'à faire blender la famille, mes amis. Pour eux, studio plein Miami. Cela dit, je reste conscient, ce que je dis, ça a plus d'importance. Le temps avance, rien ne va plus. Le diable au-dessus de ma tête danse, j'attends. Sentence, vengeance avance. Faut que je mette cette fille enceinte de mon fils qui j'espère sera doué, méchant et rappera comme son putain de père. Pire que la Lady Di, que ce frinçon. Vite Bacardi rappera dessus, sera l'hétéro Black Elton John, Boltonel pour le cercueil. Enceinte 200 watts, l'album de Biggie Clark. Si les jeunes en or en poster pour le décor. Je dirais à tous mes potes de se tatouer mon nom, mon prénom, mon pseudonyme comme je l'ai fait pour mon pote Mo. Jackpot Tony, c'est ce que perdrait chaque fille m'ayant élu au top du cop, sœur, toute option. Je passe 10 heures avec ma mère qui mérite l'héritage d'un fils black et millionnaire qui marque un rap français pour le millénaire. Rap criminel mineur. Il nous reste plus que 24 heures à vivre. Je te livre mes derniers actes tués. Ce type qui voulait que je finisse ma vie en tôle. J'irai dans ce coin de skin, foot mon rap. Ce morceau, Pete Freeman, Oxmo et Luciano, le rat, le gang sonne. Il me reste peu de temps que je voulais passer en love avec maman ou en gros va. Avec mes potes de place sous première classe. J'ai peur de me casser sans dire au revoir à mes refs et cette tasse, putain. Il me reste 10 minutes pour dire à Matt et Yumi, Edgar et Mars, c'est que se construire un cadre. La relève depuis des hooks, soit de time. Superstar, sans poster, disque d'or en suivette Nike. Time Bomb, collaboration côté obscur. Oxmo Puccino, Raduciano, Freeman, Maître Fader, Prince Charles Alexander, Mars.